Le nouveau venu s'était montré zélé, diligent, exact, pour toutes ces petites commissions, qui étaient toujours en grand nombre. Il s'était fait le piqueur de ses ouvriers. Aussi bruyant que je l'étais peu, il se faisait voir, et surtout entendre, à la fois à la charrue, au foin, au bois, à l'écurie, à la basse-cour. Il n'y avait que le jardin qu'il négligeait, parce que c'était un travail trop paisible et qui ne faisait point de bruit. Son grand plaisir était de charger et charrier, de scier ou fendre du bois. On le voyait toujours, la hache ou la pioche à la main. On l'entendait courir, cogner, crier à pleine tête. Je ne sais de combien d'hommes il faisait le travail, mais il faisait toujours le bruit de 10 ou 12. Tout ce tintamarre en imposa à ma pauvre maman. Elle crut ce jeune homme un trésor pour ses affaires. Voulant se l'attacher, elle employa pour cela tous les moyens qu'elle y crut propres et n'oublia pas celui sur lequel elle comptait le plus. On a dû connaître mon cœur, ses sentiments les plus constants, les plus vrais, ceux surtout qui vont me ramener en ce moment auprès d'elle. Quel prompt et plein bouleversement dans tout mon être, qu'on se mette à ma place pour en juger. En un moment, je vais évanouir pour jamais tout l'avenir de félicité que je m'étais peint. Toutes les douces idées que je caressais si affectueusement disparurent. Et moi, qui depuis mon enfance ne savais voir mon existence qu'avec la sienne, je me vis seul pour la première fois. Ce moment fut affreux. Ceux qui le suivirent furent toujours sombres. J'étais jeune encore, mais ce doux sentiment de jouissance et d'espérance qui vivifie la jeunesse me quitta pour jamais. Dès lors, l'être sensible fut mort à demi. Je ne vis plus devant moi que les tristes restes d'une vie insipide, et si quelquefois encore une image de bonheur effleura mes désirs, ce bonheur n'était plus celui qui m'était propre. Je sentais qu'en l'obtenant, je ne serais pas vraiment heureux.